kule bakule ho. Oya, isa pango. Oya, na deni. Oya, sami matabo. Oya, roche mbato. Oya, omoi mama. Oya, oli koye. Oya, na panti. Oya, nema mpoko. Oya, heli panga nanga nanga nanga pene pene bakule dondo. Oya. Lokasa ya dola. Bote. Je vous assure là, moi aussi j'avais quelques sous là. On m'a même volé mon Weston. Ah, Banamay, faut faire attention, hein. Ils sont là. Parce que quand on va plein bateau, maman n'a pas. N'a tika que kaka mbongwa. Moutou moussou sa jadite. Kaka nana yonabani. Mbongwe keiwa miwa. Lokasa ya sefa.